Vous écoutez C'est Fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes l'assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. Oui, en compagnie de Kiwan et Mathieu, qui ne sont plus seuls maintenant. Non, parce que voici Simon Fitzbay et sa chronique sur les mythes du rock'n'roll, Paul is dead. Salut Simon! Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, heureux de te recevoir comme à chaque mardi pour parler cette fois-ci de Aleister Crowley. Moi, Aleister, il me semble que ça me rappelle, c'était quoi? C'est pas un gars qui faisait de la claquette, ça? Oui, non, on est très loin même. Un autre Aleister, je pense. Ouais, c'est un autre Aleister, oui. C'est monsieur. Exactement. Parce que tu confonds avec Fred Astaire. Fred Astaire! Bingo! Ça sonne pareil, tu sais. On peut se permettre de faire l'erreur, mais... c'est vraiment pas le même genre de personne. Quoique, on ne connaît pas Fred Astaire dans sa vie privée. Peut-être qu'il était un peu plus proche d'Aleister Crowley. Mais cet homme-là est vraiment bizarre. Bizarre. Il a eu une très grande influence au niveau de la musique rock, entre autres à cause de ses œuvres et ce que ses pratiques de l'occultisme. Alors, on va aborder ce sujet-là maintenant. Et l'occultisme qui occupe une place importante dans le folklore du rock'n'roll depuis les années 1960. Effectivement, c'est à cette époque que certains artistes s'associent avec cette image sombre et souvent satanique qu'a l'occulte. Cet occultisme apporte un rapport de force ainsi qu'une attitude de rébellion qui supplante à la fois les drogues, le sexe et l'alcool au rock'n'roll, puisque les adhérents à cette doctrine ont déjà droit à ces éléments-là de facto. Une figure en particulier va s'imposer chez les musiciens comme porte-étendard de l'occultisme. Certains d'entre eux vont aller jusqu'à vouer un culte quasiment malsain à cette figure mythique qu'est Aleister Crowley. Et Aleister Crowley, qui est né Edward Alexander Crowley, est l'image par excellence de l'occultisme. Effectivement, il est le grand Manitou des sciences occultes et il a étudié et appliqué celles-ci tout au long de sa vie. Et il s'est également entouré d'un bon nombre d'apôtres dans sa religion, les Télémans, basé sur son ouvrage le plus célèbre, le Livre des Lois, qu'il a écrit en 1904. Sa religion Ordo Templis Orientis était gardée secrète puisque, selon les dires de Crowley, si le Livre des Lois tombait dans les mauvaises mains, il serait mis au rang des dogmes de toutes les grandes religions, donc autant la religion catholique, l'islam, le protestantisme, et ça deviendrait une grande religion, ce qu'il ne voulait pas. Il allait quand même devenir célèbre suite aux 7 rituels d'Edwis qui a été des rites de magie noire accompagnés de sacrifices et d'éléments sexuels, ce qui se sont déroulés à Claxton Hall dans un lieu public au mois de novembre de l'année 1907. Ça, c'est pas dans mes notes, c'est de mémoire que je me suis peut-être trompé là-dessus. Et il aurait été aussi un espion à la solde des Britanniques lorsqu'il est allé s'installer aux États-Unis pour fonder une nouvelle branche de l'Ordo Templis Orientis. Et cet homme-là, donc, a vécu au début du 20e siècle. Il est décédé dans les années 40, si je ne me trompe pas. Il a commencé, donc, à s'intéresser aux sciences occultes alors qu'il était à l'université. Et c'est quelque chose qui l'intéressait vraiment. Et on retrouve, donc, certaines représentations de cette figure au niveau de la musique rock dans les groupes et chez les musiciens en particulier. Entre autres, la couverture du célèbre album concept des Beatles, qui constituait d'une foule imaginaire, l'album Sgt. Pepper, bien sûr. Et c'est composé, donc, de gens célèbres en collage en arrière du groupe sur la pochette. Et on peut apercevoir une photo d'Aleister Crowley dans la rangée du fond. On peut pas par contre associer cette insertion particulière à quelques liens que les Beatles pouvaient avoir eu de près ou de loin avec le satanisme, puisqu'ils se sont jamais avoués dans ce sens-là, et c'était surtout dans le temps des folies de John Lennon. Et le concept de la foule imaginaire aussi est tellement éclectique qu'on retrouve également la poupée de Shirley Temple vêtue d'un chandail des Rolling Stones, ainsi que James Dean qui a l'impression de mater l'arrière-train de Paul McCartney qui est juste en avant de lui. Et c'était une allusion légère, en fait, à la présumée homosexualité de Dean Martin. James Dean. Et dans la photo test de la pochette, on pouvait apercevoir aussi une photo grandeur nature d'Adolf Hitler qui devait aller se retrouver à côté de Crowley. C'était deux demandes de John Lennon, en fait. C'est surtout lui qui avait constitué cette foule imaginaire-là. On avait dit, non, Hitler, on peut pas le mettre là. Même aujourd'hui, ça serait vraiment insensé de mettre une photo d'Adolf Hitler sur une pochette d'album. Déjà que les Beatles étaient très populaires, on voulait pas les associer en plus à Hitler et les nazis. Mais la personne qui va retrouver une plus grande référence avec Aleister Crowley est sans aucun doute Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin. C'est encore pire qu'une simple photo sur les pochettes. Page qui éprouve une fascination envers un personnage, même qu'au début des années 70, il tenait une petite librairie maison d'édition consacrée à l'occultisme. Sa boutique se nommait Equinox Bookseller and Publisher et qui publiait entre autres des facsimilés de Goetia, une œuvre de Crowley qui datait de 1904. Elle a fermé ses portes lorsque Led Zeppelin est devenu immensément populaire, mais il est également allé jusqu'à acheter son ancienne maison à Aleister Crowley sur les abords du Loch Ness en Écosse. Et son admiration pour le maître des sciences occultes, additionnée de son achat immobilier ainsi que de l'orientation mystique qu'avait Led Zeppelin dans leurs chansons, rajoute un aura magique aux musiciens qui ne reconnaît pas de lien direct au satanisme ainsi qu'aux enseignements de Crowley. Il était simplement fasciné par l'excentrique personnage qui était ce bonhomme. Et le symbole qui le représentait au sein de Led Zeppelin, on nomme ça Zozo, c'est Z-O-S-O avec un cercle et une plume. C'est un symbole de l'occultisme anglais qui a été inventé dans les années, qui a été découvert dans les années 1500. Il a travaillé aussi sur la musique d'un film de Kenneth Anger, qui était lui aussi un apôtre de Crowley, ou qui était fasciné par cet homme-là. Le film se nommait Lucifer Rising, et donc c'était des pièces de 28 minutes, mais Kenneth Anger, c'est un petit peu fâché. Anger, fâché, ça fonctionne. Hein? Ben oui. C'est un lien. Il n'y avait pas le choix. Oui, exactement. Il s'est fâché contre Jimmy Page puisqu'il disait que cet homme, en fait, n'a pas réussi à amener ce qu'il voulait comme musique dans ce film-là et qu'il utilisait trop de drogue. Donc, on peut présumer que les fans ou tout simplement les apôtres de Crowley n'étaient pas nécessairement trop axés sur justement l'usage de drogue et ces choses-là. C'était des gens plus sérieux. Et il a dit en entrevue, Jimmy Page, à propos d'Aleister Crowley, et là c'est une traduction libre, donc « Je crois qu'Aleister Crowley est un génie incompris du 20e siècle. Il cherchait la libération de la personne, de l'entité, et les restrictions vont vous tromper. Elles mènent aux frustrations qui mènent à la violence, au crime et à la dépression. Plus nous évoluons, plus nous nous dirigeons dans un ère de nouvelles technologies, dans l'aliénation de la personne. » Une bonne partie des visions sont avérées vraies avec le temps, donc on dit que c'était dans les années 70. C'est vrai que Crowley a en quelque sorte prédit la décadence de la société du 21e siècle. Il disait que on commencerait à déclindre, en fait, lorsqu'on utiliserait une monnaie de plastique, du plastique probablement qui n'a pas utilisé ce nom-là, mais que c'était la perte d'identité dans la technologie. Donc maintenant, qui sait qu'il n'y a pas une carte de guichet ou une carte de crédit sur soi en tout temps? Jimmy Page a vendu sa maison et sa librairie dans les années 80, alors que sa vie a pris une tangente plus familiale et plus ensoleillée que son époque des années 60. Donc, avant d'aborder le point Ozzy Osbourne, on va aller entendre une pièce qu'il a dédiée à cet homme, Aleister Crowley. La pièce se nomme « Mr. Crowley », qu'on peut entendre sur l'album « Blizzard of Oz ». C'est dans le bloc « Paul is Dead » de Simon Fitzbé à Assemblage Requis. Oh, Mr. Crowley, C'est la première pièce que j'ai appris à jouer à la guitare par moi-même, ça. Ah oui? Ouais. C'est dans mon époque heavy metal, là, quand j'étais plus jeune. Puis, j'avais pris ma guitare, j'avais commencé à jouer ça. Avec le solo à la fin aussi? Non, le solo, okay. J'étais capable de faire les débuts, mais j'ai abandonné. Okay. C'est un de mes nombreux abandons à la guitare. Mais est-ce que c'est une bonne pièce sur laquelle commencer? Ben oui, en fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est du standard un peu du métal, donc c'est quand même assez facile à faire quand on commence. En tout cas, ça a fait des heureux ici, dans le coin. Ouais, oui, Marc et Alain, je crois, ont bien aimé cette pièce. Marc Perrière et Alain Lefebvre. Et la pièce, justement, qu'on vient d'entendre, c'est Ozzy Osbourne et son groupe Blizzard of Oz sur l'album du même nom, album qui est sorti au début des années 80. Album qui comportait aussi les pièces Crazy Train et I Don't Know. Très très bon album. La pièce aussi se retrouve dans le jeu Brutal Legend qui vient de sortir sur PS3, Xbox 360 avec et Jack Black. Avec Jack Black, Ozzy Osbourne qui a participé aussi. En fait, grosse distribution de métalleux sur ce jeu. Des pièce... poilus. Pardon? Des poilus. Des poilus, oh, oui, ils sont très très poilus. Les ben cheveux oui. longs, puis du poil. Il y a du poil. Donc, on est avec Simon Fitzbé à Assemblage Rocky. C'est son bloc Paul is Dead sur les mythes du rock'n'roll. On parle de Aleister Crowley, l'homme énigmatique des sciences occultes. Oui, Aleister Crowley, donc, qui, en fait, Ozzy Osbourne, qui a fait une pièce en son honneur. Ozzy Osbourne, qui, bizarrement, lui-même s'autoproclame le prince des ténèbres. Alors ouais, fendant plus, un peu. Hein? Ouais, probablement que Crowley a plus rapport avec ça, puisqu'il a vraiment été plus profondément dans la liberté de l'homme et dans le rejet de la religion et de Jésus. Et donc, il a écrit cette pièce, en fait, puisqu'il avait lu un livre d'Aleister Crowley. Malheureusement, la légende ne dit pas quel livre qu'il avait lu. Il avait trouvé aussi un paquet de cartes de tarot dans le studio où il enregistrait. Donc, une belle coïncidence qui a mené quand même une très, très bonne pièce. Bref, que ce soit pour l'image, la mystique ou aussi la magie, que l'on s'intéresse profondément à la doctrine d'un homme comme Crowley, l'image que respire la rockstar qui favorise grandement, en fait, l'image que respire la rockstar grâce à ça, grâce à son initiation dans les sciences occultes, favorise grandement sa légende et permet à celui-ci de bénéficier d'une popularité plus qu'intéressante. L'aura et la visibilité d'une telle prise de position impliquent souvent une image agréable à la rockstar qui s'expose à juste titre ou simplement pour le plaisir de l'argent en tant que musicien de l'occultisme. Il y en a beaucoup qui font de l'argent avec ça en se faisant passer pour satanique ou en l'étant un peu ou pas beaucoup en laissant planer. On pense, mettons, à Marilyn Manson qui... longtemps, en fait, encore aujourd'hui, se présente un peu comme l'antéchrist. Il y avait aussi eu Alice Cooper à l'époque aussi, qui est pas nécessairement satanique ou rien, mais qui lui voulait choquer et on y associe donc ce lot de satanisme à lui aussi. Et quoi qu'il en soit, la musique et les sciences occultes ont un lien presque indéniable dans leurs histoires respectives et nous sommes loin de voir disparaître ce lien. On pourrait peut-être voir, même dans quelques années, un rap ou un beat techno rendant hommage à Satan ou à Aleister Crowley. Je ne crois pas que ça ait été encore fait, mais j'ai bien hâte de voir s'il y a une possibilité que ça se fasse un de ces jours. Ah, ça se peut que ça existe aussi, hein? Ouais, ben, j'aimerais ça chercher. Si j'ai le temps de chercher, là, je vais essayer de trouver ça, mais c'est ouais. quand même assez compliqué comme sujet à trouver. Là. Déjà que les rappeurs ont plus l'argent en tête que... Ouais. que la religion. Mais j'avais vu du Christian rap à ouais, un moment donné. C'est ouais. ça, je pensais. Ouais. Si je me dis, s'il y a des jeunes qui font du rap et du métal pour Jésus, peut-être qu'il y en a qui pourraient en faire pour M. Crowley. Tellement ironique. C'est vraiment bizarre. Hein? C'est incroyable, ça. J'avais vu un documentaire, justement, là, c'était comme le Godfest. Il y avait plein de spectacles de groupes catholiques. T'avais plein de jeunes entre 15 et 18 ans donc qui étaient là, eux autres, parce qu'ils croyaient en Dieu. Puis il y avait des rappeurs qui étaient là, ouais, j'avais vu ça. Avec l'attitude authentique du rappeur, mais le contenu catholique. Ouais, à place d'avoir un gun, c'est une croix. Exactement. À place d'avoir genre une mitraillette en bling-bling dans le cou, c'est une grosse croix. Ouais. Puis c'est pour la bonne raison, la grosse croix. C'est pas juste pour montrer l'argent qu'ils ont. Puis pas à l'envers, la croix, non plus. Non, exactement. Non. Exactement. Bien à l'endroit. Donc, c'était ma chronique sur Aleister Crowley. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire une grosse biographie de cet homme, mais je voulais pas que ça prenne trop de place dans la chronique. Donc, peut-être qu'un de ces jours, j'écrirai sa biographie. Peut-être. 400 pages. Ouais. Tu vois Fred Astaire la prochaine fois. Peut-être qu'on pourra l'inviter aussi en studio la prochaine fois. Oui, monsieur Crowley. Avec un jeu de Ouija, je suis sûr qu'il va venir nous parler. Peut-être. Ça serait intéressant. On essaie. On fera ça. Ouais. Prochaine chronique. Oui, en fait, prochaine chronique, oui, j'ai déjà du sujet, je vais pouvoir vous le présenter. Je vais parler des agents, des gérants d'artistes qui sont mémorables dans l'histoire. On va pas parler de Renan Gélil, là, tout ça, mais on va parler vraiment de vrais gérants qui ont été importants, méchants. En fait, vous allez voir, c'est un monde coloré, celui des gérants d'artistes. Celui de Shania Twain. C'est ça qu'on veut. Tant qu'avoir une fille chanteuse, là, c'est oublie Céline Dion, mais Shania Twain. Shania Twain à rock. Voilà, c'est bien dit. Simon Fitzbé. Et oui. Sa chronique pour les ailes, merci. À mardi prochain. Bonne semaine, à mardi. Merci. Bye. On le retrouve évidemment à deux émissions, Album Classique et Crowd Truck le lundi soir. On rappelle d'ailleurs Album Classique le mardi à 14h. Le mardi à 14h, juste avant votre émission. Et voilà. Et les éphémérides qu'on appelle Carré aux dates. Oui, c'est comme ça qu'on mercredi matin. Oui, exactement. Carré aux dates, j'aime ça. J'aime beaucoup ta prononciation. Carré aux dates. Le mercredi matin à 7h50 et jusqu'à 8h10. C'est dans la pilule du lendemain. Exactement. Avec Marc et Sylvain. Ding dong. Donc, t'es encore en train de travailler là-dessus? Toi, il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un vibromasseur, il me semble que c'est évident. Ben c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un... Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. Kiwan et Mathieu, assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17h à C'est fou.